À l'époque de la vidéo, les gens sont complètement barjots. On nous en donne plus qu'il n'en faut. Éduque social au porno.